couches. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر الله عز وجل على أن وفقني لأحضر أمامكم بطلب من الإخوة من جمعية مسجد ترام بلي، وخاصة من الأستاذ الأخ الفاضل عثمان العمري، سلم الله جميعا ولكم ولهم الشكر وجزاهم الله خيرا. فأشكر الله عز وجل، ثم أشكر الإخوة الذين تسببوا لنا أن نجلس في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، ونتدارس فيه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا. وندعو الله تبارك وأدعو الله تبارك وتعالى على ألا يضيع أجرنا، ويجعل بل يجعلنا من الذين تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. Donc le cheikh, après avoir fait les louanges à Allah d'introduction et les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et khutbatul haja, l'introduction avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de commencer, il a tout d'abord remercié les frères de la mosquée de Tremblay de l'avoir accueilli et de nous permettre de se rappeler le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de faire partie des gens dont les anges les couvrent de leurs ailes. وكما ذكر الأستاذ الفاضل أن موضوع المحاضرة هو الدعوة إلى الله، وينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس أمرا سهلا، وليس أمرا هينا أن يقوم بها كل واحد، بل هذه وظيفة المصطفين الأخيار من أنبياء الله عز وجل ورسله. Alors, on rappelle que le sujet de la conférence, c'est la prédication. La prédication, ce n'est pas une chose simple. C'était le travail des gens qui étaient choisis par Allah tabaraka wa ta'ala, qui étaient les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala, alayhi salatu wa salam. Wa ma'loum an Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam wa bihi wa khalaqa minhu zawjahu wa ba'da dhalika bi fadlillah ta'ala mala hadhihi ad-dunya bina. Walakin al-'alim al-khabir al-latif بعباده لطف به بأن لم يتركهم في الدنيا يقضوا معيشتهم وحياتهم كما يشاء ويخترعوا كما يريدون، لأن الله تعالى هو العالم بمصالحهم، فأرسل الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لبيان هذه بيان طرق الحياة ولبيان ما يجب عليهم من الله تبارك وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé de notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa son épouse et nous a empli la terre de leurs enfants. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui est le sage, le connaisseur et qui sa sagesse englobe toutes choses subhanahu wa ta'ala a voulu envoyer des hommes qui sont venus justement rappeler et enseigner à l'être humain l'objectif de leur vie et les obligations et les devoirs qu'ils ont dans cette vie-là. ويجب أن نؤمن نحن المسلمين أن الله خلق الإنسان خلق الجن والإنس مختارين ليسوا مجبورين على شيء وإن البهائم والطيور وغيرها مجبورين على طاعة الله لكن الإنس والجن خلقهم ليكونوا مختارين ولكن هداهم النجدين هداهم الطريقين إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكَرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Et nous, on doit avoir comme croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé nous les hommes et les djinns et les génies et qu'il nous a laissé le libre choix, le libre arbitre. Comme il a créé tous les animaux et les bêtes qui n'ont pas le choix, toute chose leur est imposée. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés sur les deux voies, ou bien reconnaissant, ou bien quelqu'un qui est mécréant et qui renie. ولما كانت العبادة هي التي خلقوا لها على ما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكان معنى العبادة واسعا من الصلاة والزكاة لجميع شؤون الحياة بين الله تبارك وتعالى عن طريق رسله ما يرضيه وما يسخطه. Quand Allah تبارك وتعالى nous a créé pour l'adoration et qu'il a dit qu'il n'a créé les génies et les humains rien que pour l'adorer et que le sens de l'adoration est beaucoup plus large que le fait de prier ou de payer la zakat, de donner la zakat, l'aumône légale, alors il a envoyé les messagers pour nous expliquer comment sont les ordres de la religion dans toutes les choses de la vie. فكما أن الإنسان يعلم أنه إن لم يجتهد في هذه الحياة فربما إن لم يجتهد للعلم والتعلم يبقى جاهلا كما أنه يعرف أنه إن لم يجتهد لكسب المعيشة يبقى جائعا كذلك يجب عليه أن يعلم أن الله قدر نجاحه في الدنيا والآخرة على العمل مع الإيمان ولذلك نجد أن الله تعالى قد قرن الإيمان مع العمل الصالح والعمل الصالح مع الإيمان في آيات كثيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجب على هذا العبد من الإنس والجن أن يعبد الله تبارك وتعالى في كل ما يأتي ويذهب. Comme l'être humain sait très bien que dans cette vie-là, il ne peut pas avoir sa subsistance sans faire les causes, sans travailler. De même qu'il ne peut pas apprendre, qu'il ne peut pas connaître sans apprendre. Il doit savoir aussi que Allah tabaraka wa ta'ala a fait que la foi et les actes sont liés. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de versets qui parlent de ceux qui ont la foi et qui font les bonnes actions. كما جاء في بعض الروايات أن الأنبياء 120,000 والرسل 300 جما غفيرا جاءوا كلهم ليعلموا الناس طريقة حياتهم عامة كيف يقضون في مرضاة الله حتى تكون الحياة كلها حركته نومه وجلوسه حتى اتيانه شهوته لعبادة الله عز وجل. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé, comme il est venu dans certaines versions, 120 000 et quelques prophètes et plus de 300 messagers qui sont venus justement enseigner à cet être humain comment sa vie entière, il va la passer à être dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment cela, il va transformer tous ses actes quotidiens en adoration en faisant tout ce qu'il fait selon la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, même quand il comble ses besoins et ses envies. Et c'est comme ça que sa vie entière et sera comme une adoration. وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاء جميع الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه في قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فيه وكان النبي يبعث إلى قومه وهو يخطب إلى الناس عامة. Et comme tous les prophètes auparavant étaient envoyés pour leur peuple précisément, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a été envoyé pour tous les gens, comme il a été venu dans le hadith, parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été donné cinq choses qui n'ont pas été données aux prophètes avant moi, et parmi ces cinq choses, ils ont été envoyés chacun à leur peuple, et moi j'ai été envoyé pour l'humanité entière. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا مثل هذه الآيات كلها تدل على أن الأقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء السابقين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة فأمره الله عز وجل أن يعلن في الناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Comme Nuh عليه السلام a été envoyé à son peuple, comme Allah تبارك وتعالى a dit qu'il a envoyé Nuh عليه الصلاة والسلام à son peuple et à Ad, leur frère Hud et à Madiana, leur frère Shu'ayb. Mais comme il est devenu dans ce hadith que tous les prophètes ont été envoyés pour leur peuple spécifiquement, et moi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé pour tous les gens. C'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. ويجب أن نؤمن نحن المسلمين أن الأنبياء كلهم من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يدعون إلى شيء من عند أنفسهم هنا المحك في موضوع الدعوة ما كانوا يدعون إلا بما ينزل الله عليهم من الوحي يأتي به جبريل الأمين ما كان يتكلم النبي إذا سئل أي نبي من الأنبياء إذا سئل عن شيء إلا أن ينتظر الوحي وكان المشكلة ترجمة هذه معلش يا أستاذ إذا أردت أن لا لا لا لا تفضل تفضل tous les prophètes qui ont été envoyés jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand ils appelaient les gens à Allah tabarak wa ta'ala il faut savoir qu'ils n'appelaient jamais à une chose qui venait d'eux-mêmes. Mais chaque chose à laquelle ils appelaient, c'était une révélation qui venait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là justement la différence, et c'est là qu'on, c'est-à-dire le point de différence entre les prophètes alayhi salatu wassalam et leurs prêches et les autres prêches. قال الله تعالى في حق الأنبياء عامة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره هذا يدل على أنه كل الأنبياء كانوا مقيدين بالوحي ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فيه عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا لما لم يكن خيرة لنبي مصطفى خيرا من الناس أن يتكلم بشيء من غير الوحي كذلك الداعي إلى دين الله لا يجوز له أن يتكلم إلا بالوحي كما الله تبارك وتعالى dit en parlant de tous les prophètes dans le sens des versets nous t'avons révélé comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes avant lui. De même qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui est descendue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le choisi d'Allah tabarak wa ta'ala, lui-même qui est le choisi d'Allah tabarak wa ta'ala, il n'a pas le choix d'agir comme il veut et d'appeler à ce qu'il veut, mais il appelle et il prêche selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé. De même, tout prédicateur n'a pas le choix d'appeler et à un chemin autre que le chemin de la révélation. Lui-même aussi, il doit s'appuyer sur la révélation et appeler et parler selon la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكان على أقوام جميع الأنبياء أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه ولا يخالفوه فمن أطاع فقد فاز فوزا عظيما ومن عصى نبي من الأنبياء فأهلكهم الله تبارك وتعالى كما حكى من كثير منهم قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن هنا أهلكت عاد وثمود وغيرها من الأقوام وأغرق قوم فرعون تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل جبار عنيد وهو في هذه الدنيا لعنة. Tous les peuples sont obligés d'obéir à leurs prophètes. Et tous les peuples qui ont obéi et qui ont suivi leurs prophètes et leurs messagers, ils ont réussi. Et ceux qui ont désobéi et qui n'ont pas suivi, ils ont perdu. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ô fils d'Adam, quand, dans les sens des versets, si un signe vous vient de ma part, alors celui qui craint et qui suit, alors il n'aura nulle crainte, ni ils seront affligés. Alors que celui qui démente, voilà ceux qui sont les gens de l'enfer, où ils y demeureront éternellement. Et voilà que le peuple, comme le peuple de Pharaon, qui ont démenti, et le peuple de Had, quand ils ont démenti et renié, alors Allah tabaraka wa ta'ala, quand ils ont renié et démenti le prophète, comme il est venu dans le sens du verset, الله تعالى لزاشتي وأكد الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل في آيات كثيرة قال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في آية أخرى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فإذا يجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل نصب حياتها وغرض معيشتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر وينهى فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et Allah تبارك وتعالى a rendu l'obéissance, son obéissance et l'obéissance au prophète صلى الله عليه وسلم obligatoire. D'ailleurs, dans combien de versets Allah تبارك وتعالى dit et obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et dans un autre verset, Allah تبارك وتعالى dit et obéissez à Allah et aux messagers et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a rendu l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam obligatoire en sachant que le meilleur livre est le livre d'Allah, la meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa la ta'ati Allah wa ta'ati Rasulihi wa ittiba'i Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-kamil. قام هذا الدين على حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب الأنبياء وما كان بدعا من الرسل كما ذهب الأنبياء إلى ربهم وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وسنة نبيه نبراسا للأمة كلما حصل خلاف يجب أن ترجع إليهم. Et c'est sur cette obéissance que s'est établie cette religion et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont porté sur leurs épaules, et les peuples qui sont venus après. Et c'est comme ça que cette religion, elle s'est transmise et qu'elle est restée. Et c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah tabaraka wa ta'ala nous a laissé comme guide et comme moyen de différencier au moment quand la communauté diverge sur quelque point que ce soit. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لا يأتي نبي بعده فمن ادعى أنه نبي فهو دجال كذاب وسيأتي دجال كذابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يدعي أنه نبي فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب نبي كان يأتي نبي آخر مكانه ليبلغ أمر الله ويدعو الناس إليه فمن يقوم بهذه المهمة مهمة الدعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي نبي بعده فمن الذي على أكتافه هذه الفريضة. Comme on le sait tous, et on doit tous le croire, il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier prophète et messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aurait des menteurs qui vont venir après lui prétendre la prophétie. Comme il est venu dans les hadiths sahih, tous ceux qui viennent prétendre qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce sont des prophètes, ce sont des menteurs et des faux prophètes. Et donc, si on sait qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète. Alors qu'auparavant, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un prophète mourait, Allah envoyait un prophète après lui pour reprendre le flambeau et transmettre le message après lui. Donc, sur qui cette obligation de transmettre le message est restée ? Sur les épaules de qui ? على كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يعلم باليقين أن هذا من دين الله تبارك وتعالى يجب أن يدعو إليه الناس ويبلغه إلى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ومن قبل قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فكل واحد من الأفراد أفراد الأمة رجال من الإنسان يعلم أن هذا من دين الله ورأى أمامه خلافه فيجب عليه أن يدعوه إلى الحق فإن كان يقدر على تغييره باليد فباليد وإلا فباللسان وإلا فبالقلب كما هو معلوم فبهذه الطريقة هذه الفريضة تبقى حية معمولا بها إلى يوم القيامة. Cette obligation est maintenant une obligation qui incombe à chaque musulman et chaque musulmane. Toute personne qui connaît une chose avec certitude, bien sûr à condition que ce qu'il transmet, il sache que, avec certitude que ça fait partie de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui-même a dit sallallahu alayhi wa sallam, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc cette certitude que ça vient bien de lui, alayhi salatu wassalam. Et avant cela, Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit, vous seriez certainement la meilleure communauté suscitée aux gens si vous conseillez le bien et déconseillez le blâmable et vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est une obligation à chacun d'entre nous, s'il voit quelqu'un ou un acte qui est contradictoire à la religion et au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a la certitude de cela, d'essayer de le changer, s'il peut avec la main, sinon avec la langue, sinon au minimum avec le cœur. Et c'est le degré le plus bas de la foi. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كل من يتبعه من العوام والخواص يجب عليه أن يدعو إلى هذا مما يعلم أن هذا من دين الله أما أنه يكون جاهلا بشيء ويتصبب ويتخيل شيئا أن هذا من دين الله فلا حق له ولا استقامة أن يدعو عليه، بل يجب عليه أن يتعلم حتى يكون على بصيرة ويدعو، وإلا فليسكت. Donc, comme on l'a bien dit, bien sûr, la condition c'est qu'il soit certain de ce à quoi il appelle, qu'il soit sûr que ça fait partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. » Donc tous ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un musulman du commun, ou bien un musulman du commun, ou bien parmi les élites des musulmans, alors son devoir c'est d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, mais à condition que ce à quoi il l'appelle, ce soit avec clairvoyance et avec certitude que cela fait bien partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais sinon inventer des choses, ou bien inventer des choses, ou bien s'imaginer qu'une chose fait partie de la religion et appeler à cela, cela ce n'est pas permis, et ça peut même amener au contraire. Dans ce cas-là, il se tait et il apprend sa religion pour pouvoir justement connaître avec clairvoyance et appeler à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. Comme un ami en charge de da'wa, un ya'lam bima yad'u ilayhi annahu min dinillah, كذلك من شرط الدعوة إلى الله أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة لا يكون فظا غليظ القلب دائما يضع عصاه على أعتقه ويسوق الناس بالشدة، إنما بالحكمة والموعظة الحسنة. الجاهل يعلم ولا يغلظ عليه. ادعو إلى، قال الله تعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجب على الداعي أن يكون متحليا بالعلم، متحليا بالحكمة وأسلوب حسن. Comme il est obligatoire à chaque prédicateur d'appeler avec science, c'est-à-dire de savoir ce à quoi il appelle et d'avoir la certitude que ça vient de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui est aussi obligatoire, et c'est une condition pour le prédicateur, d'appeler et de faire la prédication avec sagesse et la parole douce. Allah tabaraka wa ta'ala dit: appelle au chemin de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne parole, et polémique avec eux de la meilleure des manières, dans le sens des versets. L'ignorant, on lui enseigne. Ce n'est pas avec la dureté qu'on peut le changer. De même que la personne, le prédicateur, ne doit pas toujours avoir le bâton sur son épaule pour diriger les gens à qui il veut transmettre un message, mais il doit s'armer de sagesse et utiliser les meilleures des paroles. ومن هنا أذن لي أن أقول بكل أدب أن إن هناك في الساحة الداعية ناسا يدعون الناس إلى غير ما أراد الله عز وجل، وهذا أمر واضح جدا في الأخير. يدعون إلى الجهل، ويدعون بالجهل إلى البدع وغيرها من المحدثات. وقلنا إنه لا يجوز له أن يدعو إلا إذا علم أن هذا من دين الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بوحي من الله، كذلك متبع الرسول الذي عليه واجب الدعوة لا يجوز أن يتكلم إلا أن يعلم أن هذا قد جاء من الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما بال جمعيات كثيرة، اسمح لي أن أقول بدون أي مؤاربة، أن هناك جماعات وجمعيات يدعون الناس إلى ضلال، ولا شك فيه في أمور كثيرة، ولا أقول أن هذا الضلال يخرجهم من الملة، لكن لا شك أن كل ضلالة في النار قد يكون سببا لهذا. فإذا خلاصة الكلام أنه لا يجوز أن يدعو إلى الله عز وجل إلا من هو عالم بالكتاب والسنة، أو عالم بمسألة واحدة ولو مسألة واحدة من الكتاب والسنة. أما أن يكون أخذ الناس اجتهادات الناس التي فيها أخطاء، ومما أحدثوه في دين الله عز وجل من البدع وغيره والله لا يجوز له أن يتكلم في دين الله ولا يجوز له أن يدعو إليه وإلا سيحمل وزره ووزر من عمله. Je veux vous dire avec toute aisance et clarté, celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y est pas permis d'appeler à la religion d'Allah, comme on l'a dit, qu'en s'appuyant sur la révélation. Aujourd'hui, malheureusement, on trouve beaucoup de gens ou d'attroupements ou de groupes qui appellent à, avec ignorance et qui appellent à des innovations et qui appellent sans s'appuyer sur la révélation. Cette personne-là, sans aucun doute, elle va porter ses péchés et les péchés de tous ceux qui vont suivre cet égarement, car comme on ne dit pas que ces gens-là qui font cela, bien sûr, sortent de l'islam, si ce ne sont pas des actes qui font sortir de l'islam, mais il est sûr que tout égarement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est au feu. Donc, il est probable qu'à cause de cela, la personne mérite le feu si Allah ne lui pardonne pas. وكما قلت بارك الله فيكم أن مسؤولية الدعوة تقع على عاتق كل فرد من أفراد الأمة ولا تقل أن يأتي شيخ عثمان هو الذي يجوز له أن ينصح ويأتي أبو بكر وعمر وكذا إنما يجب على كل فرد وجب علم من دين الله شيئا والدليل عليه أفعال الصحابة حتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الشبابة المتقاربون فجلسنا عنده 20 يوما نصلي بصلاته ونتعلم العلم صلى الله عليه وسلم قلنا نتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان رحيما رفيقا بنا رآنا أن اشتقنا إلى أهلنا سألنا أمن تركنا وراءنا فأخبرناه فقال اذهبوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم. فكروا بهذه الجمل الكلمات المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة وكونوا فيهم وعلموهم وإذا حضرت الصلاة وصلوا كما رأيتم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا في 20 يوما قطعا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يحيطوا بجميع العلوم التي تعلم أبو بكر عمر من أول دعوة الإسلام، لكن علموا أصول الإسلام من العقيدة وكذلك الصلاة وغيرها. هذا الواجب أداء أمرهم أن يودوا في من حوله، وكذلك نحيب بالمسلمين صغارا وكبارا رجالا ونساء الذين عندهم علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من البدهيات أن يدعو الناس إليه. ومن هنا تتوسع الدعوة على كل أب وأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أليس يجب على الأب إذا رعى من أبنائه وأولاده خطأ أن يرشدهم إلى دين الله تعالى؟ واجب، هذا من واجب الدعوة من الأب إلى أبنائه، من الجار لجاره، وهو في مكتبك شخص قد أخطأ يجب عليك أن تدعو إليه، لكن بشرط أن تكون عالما بما تدعو إليه أن هذا من دين الله حتى لا تكون تدعو إلى ضلال وخطأ. Je rappelle que cette obligation elle incombe à chaque musulman, à condition qu'il sache ce à quoi il appelle. Et on ne dit pas « je vais attendre l'imam un tel, ou bien tel ou tel frère pour venir faire la prédication et prêcher, et moi je ne parle pas ». La preuve de cela, il y a déjà la preuve de cela dans plusieurs versets et hadiths, et même dans les actions des sahaba au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik ibn al-Huwayri, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est resté 20 jours avec lui à apprendre les bases de la religion. Puis il leur a donné des conseils et il leur a dit de partir et que si l'heure de la prière vient, ils font les appels à la prière et que le plus âgé d'entre eux préside la prière. Sans aucun doute, en 20 jours, ils n'ont pas pu apprendre ce qu'Abu Bakr ou Omar ou les grands parmi les compagnons connaissaient. Mais il les a quand même envoyés à leur peuple pour enseigner l'islam. Pourtant, ils n'étaient restés que 20 jours, mais ils ont appris les bases. Donc même si tu ne connais qu'une question ou un point précis de ta religion, il t'incombe de le transmettre avec, bien sûr, condition que tu saches que ça vient de la religion et que tu utilises aussi la sagesse et la bonne manière. De même, le père, il est responsable de ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. De même que s'il voit ses enfants faire une erreur, alors il va devoir leur enseigner et les reprendre en cela et leur faire la prédication et les prêcher. De même que le voisin pour son voisin ou une personne dans son bureau, mais toujours avec les conditions précitées, qu'il s'assure que ce à quoi il appelle, ce soit de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il suive les conditions de la prédication. وقدر الله عز وجل أن يكون الخلاف فيما بين الأمة لا شك فيه يكون الاختلاف كما كان الاختلاف في الأمم السابقة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم امتحانا واختبارا ولكنه أمر في موضع الخلاف أن يرجعوا إلى ما أراد الله عز وجل وهو إلى الكتاب والسنة فمثلا في باب الدعوة نحن في باب العقيدة العقيدة وهو أصل من ثلاثة أسئلة التي يسأل عنها المسلم في قبره من ربك ما دينك من نبيك صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نعرف ما هي ذات الرب عز وجل أين ذات الرب عز وجل وما هي صفاته يجب أن يعرف الله عز وجل بجميع صفات أسمائه وصفاته حتى يكون له هيبة وجلال في قلبه أما أن يجرد الإنسان كما جرد الناس الرب عز وجل من الصفات فنحن نتحاكم هل هذه العقيدة الثانية التي يدعو إليها مجردا الله عز وجل من الأسماء والصفات وقد قال لله الأسماء الحسنى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها هل هذا الرجل على صواب في عقيدته ثم إذا دعا أحدا إلى هذه العقيدة فهل على صواب من دعوته نقول لا قد أخطأ وضل وأضل من دعا إليه الله تبارك وتعالى في la nature de l'être humain que l'être humain va diverger. Les communautés avant nous ont divergé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim qu'ils ne cesseront de diverger sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et c'est pour ça qu'Allah les a créés. Donc c'est une chose, qu'on le veuille ou non, qui est présente. Mais la base vers laquelle on doit revenir quand on diverge, c'est la révélation, le Coran et la Sunna. Quand il y a des divergences sur un point, par exemple, de dogme, de croyance, qui est une des bases sur lesquelles on va être questionné dans la tombe, quel est ton Seigneur sur Allah, tabaraka wa ta'ala, sur la croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Il doit connaître son Seigneur. Il doit connaître les qualités de son Seigneur, ses attributs, pour pouvoir avoir le cœur rempli de la grandeur et de la magnificence d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sache qui il adore. Il n'adore pas un Seigneur qui n'a aucun attribut ni aucune qualité. Mais Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit lui-même dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit pour qu'on puisse l'adorer avec connaissance et qu'on puisse emplir notre cœur de sa magnificence et de sa grandeur. Donc si aujourd'hui quelqu'un vient et veut appeler à une croyance sur laquelle on dénuderait Allah tabaraka wa ta'ala de ses qualités, de ses attributs, où on les renierait, où on les interpréterait à un point de les renier, ou de les délaisser, ou de les changer. Alors, cette personne-là, On reviendra voir, est-ce que sa croyance c'est la croyance sur laquelle était le prophète Sarasim et ses compagnons, ce vers quoi, avec quoi on peut régler toutes les divergences, comme Allah tabaraka ta'ala a dit que si vous divergez sur une chose, revenez, ramenez-la à Allah et à son prophète, si, à Allah et à son messager, si vous croyez vraiment à Allah le jour dernier. Et c'est comme ça qu'on verra que cette croyance, elle n'est pas conforme à ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait ni à ses compagnons. Et cette prêche ici, c'est une prêche qui peut amener à un égarement dans un point essentiel qui est notre croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, la question qu'on va nous poser dans notre qualité d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à justement nier ce qu'Allah Ta'ala a révélé dans son livre parmi ses qualités et ses attributs. Donc, nous, on doit revenir en cela au Coran et à la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et croire en Allah tabaraka wa ta'ala et savoir comment est notre Seigneur selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé dans le Coran et selon ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé dans sa tradition véridique. D'ailleurs, quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, un bédouin est venu. Et quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah rigole de deux personnes qui l'un d'eux était mécréant et l'autre musulman. Il l'a tué, puis après il s'est converti, les deux rentrent au paradis. Ce bédouin a rigolé. Et il a dit, on espère toujours du bien d'un seigneur qui rigole. Il a cru en cela simplement. Non pas comme ceux qui sont venus justement interpréter cela et nier qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse avoir cette qualité et cet attribut qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout ça pour dire parce que ça ressemble à un être humain. Mais Allah tabaraka wa ta'ala se connaît mieux que personne, tout en sachant que ça ne ressemble à rien parmi les créatures. أراد الله تبارك وتعالى أن يبقى دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة حفظ الكتاب والسنة ولا عذر لأحد من العلماء الذين يقودون الأمة والعلماء في الحقيقة هم أول المجرمين عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إن كانوا يغشون الناس ولا يخبرونهم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا غضة طرية يجب في كل خلاف أن يرجعوا إليه. هذا هو الواجب الحقيقة الذي بها يبقى دين الإسلام خالصا مخلصا. وما أمروا ألا لله الدين الخالص. وقد خوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الدين قد تلحقه أوضاع وقد تاتي فيها أشياء ليس من دين الله تعالى وأخلصوا هذا الدين من كل الأوضاع ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن أين تأتي هذه العقائد التي تنسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير الصحابة وكذلك المذاهب المختلفة الشيعة والسنة والسنة فيهم مذاهب مختلفة كلها لا شك أنها تختلف لكنها عند الاختلاف يجب أن ترجع إلى الكتاب والسنة ومن هنا وجب على الناس أن يكون كلهم في الحقيقة متبعا للسلف أو السلفي ومن هنا يجب أن نقول أن الذين يعيدون التسمية السلفية أو أن هذا سلفي ويسخرون بمن هم سلفيين أو سلفيين وكذا في الحقيقة يجب عليهم أن يخافوا الله عز وجل وهم يأتمون بهذا النبز وهذا الطعم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que cette communauté va diverger. Car il a dit, celui qui va venir après vous verra une grande divergence. Alors approchez-vous à ma sunna. Et à la sunna et à la tradition de mes califes bien guidés. Donc ces divergences dans ces croyances qui ne sont pas, qui ne viennent pas du prophète alayhi salatu wa salam, mais qui viennent d'autres philosophies. Ou même les divergences entre les différents sectes, groupes, que ce soit les chiites et les gens de la sunna, ou bien même dans les gens de la sunna, des différents groupes. Il nous est obligé pour régler tout cela de revenir au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il faut savoir que les savants de l'islam, ce sont eux les premiers responsables. Car ce sont eux qui ont accès aux livres, au Coran et à la Sunna. Ce sont eux les premiers responsables de revenir au moment de la divergence au Coran et à la Sunna du Prophète. Et de revenir à ceux que suivaient les pieux prédécesseurs. À ceux que suivaient les pieux prédécesseurs et au chemin des pieux prédécesseurs. Alors en arabe, on dit salaf. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer de cette appellation. Car cette appellation appelle au revenir justement ont suivi des pieux prédécesseurs, qui sont avant tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, et ceux qui les ont suivis, et qui sont les meilleurs des gens. Donc on craint pour celui qui se moque de cette appellation, qu'il soit dans une erreur. وكان الناس فيما قبل كلهم يسمى مسلما لكن لما صارت احزاب وفرق مختلفه سمت باسام خاصه فعرف هؤلاء الذين يدعون للكتاب والسنه اي الى الدين الخالص بهذا الاسم ليسوا هم مبتدعين بهذا الاسم لكن ما دام الناس قد عبروا عن عقيدتهم وعن اعمالهم باسام خاصه فوجب عليهم يعرفوا باسمه الخاص بانتسابهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال صلى الله عليه وسلم انا سلفكم فالسلفي او الانتساب الى السلفي ليس من البدع ثم بعد ذلك اريد ان اقول انه ما دام الامر هكذا فيجب على الداعي الا يدعو الا الى الكتاب والسنه ومن دعا الى بدع والبدعة معروف إحداث أمر في الدين وهو ليس من الدين لغرض وصول الثواب منه وهذا أمر معروف فهناك لا شك أن في الأمة ناس يدعون إلى بدع يدعون إلى طرق ليس لها من دين الله ليس من دين الله في شيء ليس من دين الله في شيء إلى طرق التصوف بدون إذا كان عند أحد الخلاف فيناقشني بأدب كما أقول له الكلام بأدب ليس هناك طرق التصوف المختلفة التي جاءت فيها أذكار خاصة نقول لكم أيها الإخوة ألا يكفيكم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الصباحية والمسائية وطول الليل وطول النهار كلها لها أذكار بعد الصلاة كيف كان يذكر وبعد الفجر كان صلى الله عليه وسلم كيف كانت طريقته للذكر وعلى ما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا هل كان في اذكار النبي صلى الله عليه وسلم اذكار مما يخص كل واحد او كل صاحب طريقه بذكر خاص ابدا ومن لم يرضى بما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الله تبارك وتعالى يجب أن يأخذ ذكره من الله من النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولكن نجد هناك الطرق والطرق نفسها في الحقيقة زينوا بكتاب الله وسنة رسول الله هل لها أصل أو هل لها مقام في دين الله تعالى ليست هذه الطرق إلا أنها تفرق المسلمين في طرق شتى وفي سبل مختلفة فيجب على الداعي أن يكون متجردا لكتاب الله لا يدعو إلا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي يدعو إلى سبيل الله وسبيل رسول الله وطريق رسول الله لا إلى طريق تسمى طريق نقشبندية تشتية قادرية وغيرها وغيرها أبدا كل هذه طرق مناوئة ومخالفة لطريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم Comme Allah تبارك وتعالى aussi nous a demandé de lui avancer une religion pure et de lui vouer comme Allah تبارك وتعالى a dit nous leur avons pourtant ordonné que إلا يعبد الله مخلصين له الدين qu'il n'adore Allah تبارك وتعالى que d'une manière pure, d'un monothéisme pur, et pour lui la religion, subhanahu wa ta'ala. De même que dans ces divergences-là, c'est en purifiant justement cette religion qu'on devance à Allah subhanahu wa ta'ala et nos adorations, comment cela, qu'au moment de la divergence, on revienne justement au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on suive celui qui nous a devancé. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a utilisé ce terme, qui a dit à Aïcha, ala salafukum, je suis le premier, celui qui vous devance. Et justement, tout le monde s'appelait musulman, tout le monde est tous des musulmans, mais quand il y a eu justement des groupes qui se prétendaient de l'islam, mais qui ont divergé du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui se sont donné des noms, alors il a été obligatoire aussi aux gens de la sunna de se différencier d'eux, et de dire que nous, justement, on revient au premier qui nous a précédés, au premier prédécesseur, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le salaf, et nous, donc, on est des salafis, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Et tous ceux qui ont voulu diverger de cela, que ce soit les groupes qui ont des sectes soufis, soufistes, qui ont inventé des invocations précises ou des manières d'invoquer Allah, tabarak wa ta'ala, précises, qui ne sont pas ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, alayhi salam wa salam, si on pèse leurs paroles et leurs actes selon la sunna du prophète, alayhi salam, on va voir qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire, justement, à tout musulman, de revenir en cela. Est-ce que ça ne vous suffit pas, mes frères et mes sœurs, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a laissé dans tous les hadiths, les invocations à dire matin et soir, les invocations à dire la nuit, la journée, dans tous les moments de la journée, n'est-ce pas qu'on dit tout le temps la meilleure guidée, le guidée, la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur chemin, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, quand Allah dit, ceux qui évoquent Allah debout, qiyam wa qu'udan wa ala junubihim, ceux qui évoquent Allah debout, assis et sur leur côté. Et on voit ces sectes-là qui interprètent ce verset en disant qu'il faut danser, se lever et sauter. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété ce verset de cette manière-là? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment invoquer Allah debout et assis et couché, c'est-à-dire tout au long de la journée dans nos différentes invocations. Donc voilà, quand on diverge, la meilleure manière et l'obligation pour régler nos divergences, c'est de revenir au livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui nous ont précédés. Et c'est ça l'obligation de tout prédicateur, d'appeler justement sur un chemin clair à une religion pure et de vouer un culte pur, monothéiste à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et une adoration pure qui n'est pas une innovation, une bid'a. Une innovation, c'est toute nouvelle chose qui vient, qui ne fait pas partie de l'islam, sur lequel il n'y a pas de preuve. Donc, la personne doit prendre garde, comme il veut adorer Allah tabarak wa ta'ala d'une manière sincère, qui lui amène aussi sa religion d'une manière pure, c'est-à-dire sans innovation. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نجد لا شك أن البدع منتشرة بين الناس والناس يقبلونها وكأنها هي الدين. فيجب علينا أيها المسلمون أن نؤمن بأن الله تعالى قد أكرمنا بهذا العقل الذي نعرف به الخير والشر. لا نرضى بما رأينا من آبائنا وأجدادنا من أخطاء في أمور الدنيا، فكيف نرضى من آبائنا وأجدادنا في أمور في الدين؟ لماذا نقول كما كان الأولون يعارضون الأنبياء؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لا حق للمسلم أن يقول هذا القول في دين الله تبارك وتعالى أبدا. ولذلك يجب علينا أن نعرف ما هي البدع وما هي السنة، ويجب على الداعي خاصة ألا يدعو إلا إلى السنة، فإن دعا إلى السنة فقد دعا، فإن دعا إلى بدع فقد دعا إلى ضلالة، والداعي إلى الضلال حذر الله تبارك وتعالى من عمله في كتابه وسلطة وكتابه صلى الله عليه وسلم. On le voit malheureusement, les innovations sont très répandues. Et c'est pour ça que c'est une obligation à tout musulman d'apprendre quelle est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir la suivre et s'y accrocher. Et quelle est l'innovation pour pouvoir la délaisser. D'ailleurs, dans ses prêches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment commençait-il ses prêches? Et comment la plupart justement des prêcheurs et des imams commencent leur prêche en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le début de leur prêche, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, certes la meilleure parole est la parole d'Allah, est la meilleure idée et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est au feu. Subhanallah, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait chaque prêche comme ça, justement, pour mettre en garde sa communauté, de ne pas s'égarer et de s'attacher. Donc c'est une obligation à chacun, surtout aux prédicateurs, d'appeler les gens sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les mettre en garde contre l'innovation pour qu'ils puissent justement être sauvés, être dans le chemin droit dans cette vie. Comment va-t-il offert pour porter les péchés de milliers ou de centaines de milliers ou de je ne sais combien de gens qui ont subi l'erreur à laquelle il a appelé. Donc toi qui appelles à Allah, appelle à Allah avec science, avec connaissance. Sache à quoi vers quoi tu appelles, pour pas que tu fasses partie de cela. De même qu'Allah tabarak wa ta'ala a parlé de ces gens-là. Et il a dit dans son verset pour qu'ils portent leurs péchés complètement le jour du jugement dernier. Et qu'ils portent aussi les péchés de ceux, certains, ou alors une partie des péchés, de ceux qu'ils appelaient sans science. Quelles mauvaises choses qu'ils sont en train de porter. Et Allah tabarak wa ta'ala, en parlant des gens de l'enfer, que chaque groupe qui va entrer va maudire celle qui l'a précédé, et chacun va maudire l'autre et dire que c'est à cause de l'autre. Ceux qui ont suivi vont dire que c'est à cause de celui qui nous a appelés. Celui qui a appelé vont dire non, c'est eux qui nous ont suivis. Et Allah tabarak wa ta'ala va doubler leur châtiment à tous. Pourquoi? Car il n'est pas permis à quelqu'un d'être comme un mouton dans un troupeau, de suivre sans réfléchir. Et d'ailleurs, le suivi aveugle, comme a dit l'imam Ibn Abdul Barr, il a dit le suivi aveugle, les savants sont unanimes pour dire que le suivi aveugle, c'est de l'ignorance. Donc la personne, elle doit savoir prendre des savants qui s'appuient, qui ont un appui du Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ceux vers quoi ils appellent. Et le prédicateur, comme on l'a dit, chacun est responsable de prêcher, de prédire, de faire la prédication selon ce qu'il connaît, mais à condition qu'il appelle avec science et qu'il sache ce à quoi vers quoi il appelle. لا يجوز لأحد أن يقتنع بما وجد عليه أباه. ثم هناك ناس قد يكونوا في الحقيقة لا يعلمون عن الدين شيئا، فماذا يجب عليهم؟ هذا لهم حكم آخر، وقد فرقوا واجبا من واجبات الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والذي لا يعلم عن دين الله يجب أن يتعلم، لكن ماذا يتعلم؟ الدين الخالص، ويجب أن يعرف أن الدين قد يباع في محلات مختلفة، في صور مختلفة، فبعقله كما أنه يذهب ليشتري قطع غيار لسيارة، فيختار أحسن القطع من أشهر دكاكين وأشهر محلات، كذلك يبحث عن أولئك الذين يقدمون له الدين الخالص، ولا يجد هذا إلا من يدعو إلى الكتاب والسنة. ومعلوم أن الناس إذا سمعوا أن هذا يدعو إلى الكتاب والسنة ينفرون منه. هذا أمر واقع في الحقيقة. يجب عليهم أن يغتنموا وجودهم في دين الله تعالى، في بلد الله تعالى وفي هذه الدنيا. وجود هؤلاء الذين بشر بوجودهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. طائفة ما يكونون كثيرا ولا يكون أقوياء بالحقيقة بالمال والسلاح وغيرها، إنما هم بالحجة غالبين، لأن الحجة مع من أخذ بحجة الكتاب والسنة. De même que celui qui ne connaît rien de sa religion, alors il avait négligé une obligation, il doit inch'Allah combler cette négligence. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est obligatoire à tout musulman l'apprentissage de la religion. De même, il faut savoir que, alhamdulillah, c'est en apprenant vers les personnes qui peuvent, parce que tout le monde, il y a plusieurs endroits, plusieurs manières d'apprendre. Donc il faut apprendre vers ceux qui ont une science et une religion pure, qui est basée sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens, par la grâce d'Allah, sont présents, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne cessera pas d'avoir un petit groupe de ma communauté. Pas, c'est un petit groupe. Ils ne sont pas beaucoup. Et ne leur font pas du mal ceux qui les délaissent, ni ceux qui les combattent. Donc, ces gens-là, ils seront bahirin. Ils seront toujours supérieurs. Pas supérieurs par la force, ni par l'argent, ni par quoi que ce soit parmi les causes matérielles. Mais leur supériorité, elle est par la force de la preuve. Par la force de la preuve. La force du Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi ils s'appuient. Ils ont la tranquillité et les appuis solides. Et c'est vers ces gens-là qu'on peut apprendre une science pure et certaine et avancer en Allah sallallahu alayhi wa sallam, une science pure et claire. كنت أيها المسلم بنفسك مختلفا في عقيدتك وإذا أراد أحد من غير المسلمين أن يدخل في دين الله إلى أي دين وإلى أي عقيدة تدعو ليس في الإسلام إلا عقيدة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ليست إلا عقيدة واحدة كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا في العقيدة ولا في المنهج ولا في أي عمل كونوا متحدين فيتكون لكم القوة وإلا تذهب ريحكم تشكلون أليس هذا وعد المسلمين هو وعد المسلمين أنهم فشلوا تنازوا واختلفوا وتفرقوا وكانت الأيام الماضية في الحقيقة لما كانت الدول للمسلمين وحصل اختلاف في العقيدة فكان سلطان جهة من الجهات كان يختار عقيدة من العقائد ويحارب هو وعلماؤه عقيدة أخرى وبذلك ضعفت قوة المسلمين ونقول دائما أن هناك في تاريخ الإسلام وقايع تندى لها جبين طالب العلم حينما يقرأ وبقي بن مخلد رحمه الله الإمام الجليل الأندلسي لما سافر إلى بغداد وأخذ الحديث من أهل بغداد ومن جملته رجع بكتاب المصنف لابن أبي شيبة كتاب الحديث إلى وهو في 270 أو 270 توفي في سنة 270 في الزمان القديم كان هذا الاختلاف قد تأصل في المسلمين ولها شرورها ولها أضرارها في الأمة فلما ذهب إلى الأندلس بمصنف ابن أبي شيبة وبدأ يقرأ عليه حديث رسول الله اجتمع الفقهاء كلهم وسلطوا عليهم الشباب حتى مزقوا كتبه وحتى ضربوه ولما وصل الأمر إلى الأمير محمد رحمه الله وكان رجلا عاقلا دارسا فقال ما هو الخلاف قال هذا سنة رسول الله أقرأ عليهم وهؤلاء الفقهاء جالسون قالوا نعم هذا كتاب سنة رسول الله قالوا نعم قال لماذا تمنعونه لم يجد أحد جوابا إلا أنه قالوا يأتي بمسائل من الحديث خلاف ما عليه من مذهب مالك الناس قال يحدث الخلاف بين الناس غريب سبحان الله إذا كان الناس تاركين سنة رسول الله يعملون بخلاف يجب عليكم كلكم أن تجتمعوا على إعادة الناس إلى سنة رسول الله لكنهم شكوا وبكوا أمام الأمير قالوا أن هذا يحدث الخلاف لكن الأمير قرأ الكتاب مصنف ابن أبي شيبة وقال هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا وأمر خازن كتبه أن ينسخ منها نسخة وأمر بقية أن يذهب فليدرس الناس سنة رسول الله ومن هنا يقول ابن الفرزي الأندلسي يقول هو الذي ملأ الأندلس بالسنة فنقول سبحان الله هكذا جاءت وقائع هذه حقيقة ما كنا نتمنى أن لا تقع في الأمة وهذه الوقائع تقع الآن باختلاف العقائد فيما بين المسلمين فهذا يضلل هذا وهذا يضلل هذا وأمامنا كتاب الله وسنة رسوله فيهما الحكم والحق والحكم ينبغي أن نستقضي من الكتاب والسنة ونفض الخلاف فيما بيننا وإلا نكون لا نستحق أن ندعو غير المسلمين إلى دين الله إلى أي دين ندعو إلى دين الشيعة دين القاديانية التكفير الأشعرية عقيدة الأشعرية عقيدة الماتريدية عقيدة الخوارج إلى أي عقيدة ندعو. في الحقيقة هذا كان سببا لظهور الناس من المسلمين أيضا. On pense à prêcher les non-musulmans, et c'est aussi une obligation. Mais si on veut aujourd'hui appeler les non-musulmans à l'islam, avec toute la divergence qui se trouve, à quel islam on les appelle? Donc ce nettoyage, cette purification des innovations et des égarements qu'il y a dans notre religion, c'est la première chose à faire. C'est le premier pas à faire. D'ailleurs, il a été rapporté que Baqi ibn Bakhlat a été chercher le Musannaf de Ibn Abi Shayba et l'a ramené en Andalousie. À l'époque, l'Andalousie était musulmane. Il est venu, il a lu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Musannaf. Et les fuqaha, les savants de la jurisprudence qui étaient en Andalousie, étaient tous de l'école maliquite. Il a ramené des hadiths et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient étranges pour eux, qui ne suivaient pas l'école ou ceux qu'ils avaient l'habitude de suivre de l'école de l'imam Malik rahimahullah. Donc ils se sont fâchés, ils ont demandé à tous les enfants d'aller déchirer le livre et de le taper et de le sortir. Lui là il s'est plaint au roi qui était le roi Muhammad, qui a fait appeler pour voir quel était le souci. Quand il a compris le souci, il a demandé quel était le problème. Il a dit, il lit des hadiths qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans notre mazhab, il fait la fitna entre les gens. Ça fait la division. Alors, il leur a demandé, mais est-ce que ce qu'il dit, c'est bien les paroles du prophète Sarasim? Il dit oui. Il dit, dans ce cas-là, pourquoi vous l'empêchez? Est-ce que quand on diverge, quand on ramène une parole du prophète Sarasim, mais ça crée la division, est-ce que notre obligation, c'est de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, pour ne pas créer la division, on laisse tout le monde dans leur égarement? Est-ce que la majorité, elle doit revenir à la sunna, ou est-ce que la sunna, on doit la délaisser? Donc le roi a dit non, ce livre, j'en ai besoin. Et il a ordonné de le copier, et il a ordonné qu'on le laisse tranquille enseigner la sunna. Et c'est pour ça que certains poètes ont dit que c'est grâce à lui que la sunna et les hadiths ont été préservés en Andalousie. Avant, quand c'était l'époque des rois, des royaumes, dans les pays musulmans, ça cette histoire que je vous raconte, Ibn Makhlad est mort en 270 de l'Égypte. Donc, la divergence, ça a toujours existé. Et toujours, les gens, ils n'ont pas accepté ce qu'ils connaissaient pas. Mais la solution, comme on le dit toujours, c'est de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nettoyer cette religion de toute chose qui n'en fait pas partie, pour qu'on puisse être un exemple et unis dans la vérité, comme Allah a ordonné de s'attacher tous à l'ange d'Allah et de ne pas se disperser. Et Allah Ta'ala nous dit, ne vous disputez pas, car vous faiblirez et votre honneur s'en ira. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avant, les rois qui étaient auparavant, parmi les rois des musulmans, c'est eux qui imposaient la croyance ou l'école juridique à suivre dans le pays. Alors il suffit qu'ils soient combattus par un égaré, qu'ils prenaient ses savants parmi les égarés et combattaient tout le reste. Et c'est comme ça que ça marchait. Donc, cette divergence, c'est la nature de l'être humain. Et la manière de la régler, Allah Ta'ala nous l'a donné dans le Coran. Alors ramenez-la au Coran, à Allah et au messager si nous vraiment vous croyons en Allah le jour dernier. فنحن المسلمين بتفرقنا في الحقيقة نفرنا غير المسلمين عن دينهم وكثير منا ضل عن دينه ولا شك أنه فقد منحى وطريقا لا يقبله الخلق ولا الدين وكثير منا باختلافنا باسم الدين يجعل غير المسلم حائرا يحتار فيما يختار. أنا أذكر لكم أن الشيخ سلطان معصومي وهو من آل جابان أو يابان وجاء وكان في مكة قبل أكثر من 80 سنة وكتب كتابا هل يلزم المسلم أن يلزم على المسلم أن يكون متبعا بمذهب خاص في العقيدة والعمل. ففي مقدمته ذكر قال سبب تأليف هذا الكتاب أن ناسا من يابان كتبوا إلينا أن عدة من متنوري الفكر من اليابانيين الدارسين المثقفين أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، فلما ظهر لجمعيات المسلمين المختلفة هناك فقال أهل جاوة أنه يجب أن يكون شافعيا، وجاء أهل الهند وقالوا يجب أن يكون حنفيا، فهؤلاء استغربوا قالوا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هل كان شافعيا هل كان حنفيا، وجاء الآخرون قالوا يجب أن يكون مالكيا. فكان هكذا ذكر الشيخ، انظروا الكتاب الإخوان يكونوا درسوا الكتاب، فيقول فكان سببا لعدم دخولهم في الإسلام. قالوا ما دام هؤلاء بأنفسهم مختلفين أي دين نحن أو أي مذهب نختار، هذا واحد. ونقلت لكم تاريخون أحد من المفكرين كان في هذا الزمان وله أيضا شطحات في الفكر وأفكار غير مرضية، غفر الله له، ورأيناه في مكة كان يدرس في جامعة أم القرى وناقشناه في مسائل كثيرة، الشيخ محمد الغزالي. لكنه كتب، هو كتب كتاب، كتب في كتاب له ظلام من الغرب، قال دعي هو إلى مؤتمر في جامعة برينستون في أمريكا، فقال حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برينستون بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين، أي أولئك الذين يتعلمون علوم الشرق من التفسير والحديث وغيره، ليس للاستفادة منه إنما هو لإلقاء الشبه والاعتراضات فيها. فيقول أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية، قال أيها المسلمون بأي التلاليم تتقدمون إلى العالم لتدعون إليه، بأي تعاليم الإسلام، للإسلام الذي تدعون إليه أب تعاليم كما يفهم السنيون أم بالتعاليم التي يفهم الشيعة من عقيدة من إمامية أو زيدية، ثم إن كل من هؤلاء أولئك مختلفون فيما بينهم. يقول أيضا والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة لأنهم في أنفسهم في حيرة. هو اليهودي مستشرق يقول إلى أي إسلام تدعون، هل إلى إسلام شيعي إسلام سني ثم إسلام سني فيه عقائد مختلفة، فيقول ينبغي عليكم أن تحددوا لنا. فبالفعل نحن تسببنا لنفور غير المسلمين من فهم الإسلام، الإسلام الذي تعاليمه واضحة ناسها، والدين الذي جاء يسرا جعلناه عصرا على فهم الناس في هذا الزمان. وندعو الله تبارك، ولذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق شباب المسلمين لفهم هذا الدين على ما فهمه صحابة رسول الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج إلى إحداث شيء في دين الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الخالص هو الذي يرضى به الله عز وجل، ومن يبتغي غير الإسلام الخالص دينا فلن يقبل منه من البدع وغيرها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, nous les musulmans, qui normalement avons un message à porter aux musulmans et à les appeler au chemin de l'islam, comment allons-nous faire pour les appeler au chemin de l'islam si nous tous nous divergeons comme ça et nous délaissons nous-mêmes les principes de notre religion du fait de s'attacher au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi. Il y a Cheikh Sultan al-Ma'soumi qui est au Japon, qui avait fait un livre il y a plus de 30 ans. Est-ce qu'il est obligatoire de suivre une doctrine précise dans la croyance et dans les œuvres? Dans son introduction, il a écrit pourquoi j'ai écrit ce livre. Il a dit ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est qu'au Japon, il y a des Japonais, des élites parmi les Japonais qui ont commencé à s'intéresser à l'islam. Arrivés dans une mosquée, ils leur ont dit, si vous voulez devenir des bons musulmans, vous êtes obligés d'être chafiïs. Ils sont arrivés dans une autre mosquée, des gens d'origine indienne, ils leur ont dit, non, vous êtes obligés d'être hanafi. Ils sont allés autre part, vous êtes obligés d'être comme ça. Ils n'ont rien compris, ils sont restés dans le trouble. De même que comme l'a rapporté Mohamed Ghazali, dont le cheikh a dit qu'on l'a connu à Mecca, il était enseignant à Mecca, qu'il avait pas mal d'erreurs qu'on a critiquées, on l'a beaucoup discuté avec lui pour qu'il revienne sur ses erreurs. Mais il rapporte dans un de ses livres qu'il a été appelé à Princeton, aux États-Unis. Il y avait là-bas des orientalistes qui posaient des questions et qui ramenaient des questions, beaucoup de questions. Parmi les questions qu'ils ont posées, ils ont dit, vous les musulmans, vous nous appelez à l'islam, mais expliquez-moi, à quel islam vous m'appelez? L'islam sunnite ou l'islam chiite? Chez les chiites, imamite ou zaydite? Chez les sunnites, maturidi, ash'ari, soufi, quoi? Il a dit, vous-même, vous ne savez pas à quoi vous appelez. Si nous-mêmes, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, aujourd'hui, je vous ai complété votre religion et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. L'islam pur. L'islam pur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, et celui qui agrée autre que l'islam comme religion, alors il ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les perdants. Donc, si nous voulons réussir, être sauvés et pouvoir être un exemple pour les non-musulmans, il faut cesser toutes ces divergences en s'attachant justement, en revenant au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salat wa salam, et purifier notre adoration et notre façon de pratiquer notre religion et ce à quoi on appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Non. هنا سؤال أنت أبحث إن شاء الله. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عندما يذكر عالمان نفس الدليل من القرآن والسنة ما تفسير المختلف ليسير حكمين مختلفين كيف يمكننا أن نعرف من الصحيح ومن المبتدأ؟ انظر بارك الله فيك. إذا كان هناك مسائل الشرع افهم مسائل الشرع قد تكون مسألة ذات الوجهين يعني يجوز لك أن تعمل فيها من طريقين يعني قلت الله أكبر لتسلي تقول أنا أختار دعاء الاستفتاح ما هو سبحانك اللهم وبحمدك والثاني يختار اللهم باعد بيني وبين خطايا والثالث إن اللهم إني وجهت وجهي للذي إلى آخره فهذه كلها لها دليل تكون المسألة ذات الوجوه معناه يجوز لك أن تعمل على هذا وتعمل على هذا وتعمل على هذا أما إذا كانت اجتهادية فمسائل كثيرة اجتهادية قد يرى عالم أن هذه الآية تدل على كذا وتتحمل الآية هذا المعنى ويرى عالم لهذه الآية ولأدلة أخرى أيضا أنه هذا المعنى مخالف للمعنى الأول إن شاء الله إذا أخذ الإنسان أي واحد بحسن النية يكون صحيحا لكن قد يكون الاجتهاد خطأ فلا يجوز تتبع الخطأ هذا اختصاره La question, en résumé, quand il y a divergence entre deux paroles de savants sur deux avis différents, comment je fais ? Il a dit des fois, deux avis différents, les deux peuvent être justes. Comme par exemple, la dua de l'istiftah, la dua à faire au début de la prière. L'un te dit de dire subhanak wa bihamdik, etc. L'autre, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatariyaya. Donc ça, c'est plusieurs invocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tu fasses l'une ou l'autre, tu es dans le droit chemin et dans le juste, inshallah. La deuxième possibilité, c'est que la question que tu as posée, ça fait partie des questions sur lesquelles il y a un effort de compréhension à faire de la part du savant. Et il se base sur un texte véridique, il fait son effort de compréhension et il te donne justement un statut et une règle par rapport à cela. Et un autre voit que cet effort de compréhension ou cette déduction est fausse ou bien est moins juste qu'une autre et il te donne un autre avis. Si ces deux savants sont de confiance, tu prends l'un ou l'autre, il n'y a pas de mal. Mais par contre, si l'un des deux s'est trompé, dans ce cas-là, comme tout être humain peut se tromper, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même toute personne, tout savant, ou bien il a dit une chose juste et il aura une double récompense, et s'il s'est trompé, il a une récompense, donc dans ce cas-là, il est obligé pour nous de ne pas suivre l'erreur. يقول سمعت أحد الشيوخ المتعلقين من جامعة أم القرى يقول إنه لا خلاف في إطلاق اللحية وأن الخلاف فقط في إمكانية التقصير التخفيف فيه ما قولكم في ذلك ليس لي قول إلا ما استفدت من كتاب الله وسنة رسول الله من مشايخنا أقول إنه لا خلاف في أن اللحية إرسالها وتركها واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في 6 أو 7 من الأمور المختلفة بألفاظ المختلفة أعفو لها أرخل لها أرجل لها وخالف اليهود هذه كلها تدل تأكيدات تدل على وجوب إرسال وإطلاق اللحية أما كما قاله هذا صحيح إلى هنا إنما الخلاف في تخفيف اللحية نعم جاء الخلاف أنه يجوز التخفيف إلى أي حد لا تجد إلا على قول أو ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقصر لحيته في الحج وما تحت القبضة فقط ليس من فوق القبضة إنما من تحت القبضة وجاء عن أبي هريرة أيضا أنه كان من تحت القبضة يأخذه فمن هنا قال بعض العلماء قالوا يجوز للإنسان إذا طالت لحيته أن يقصر من تحت القبضة لكن هناك آلاف مؤلفة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يرد عنه إلا الإعفاء وعدم المس بسوء كما جاء في عملهم بفضل الله تعالى فنقول غنيمة إذا كان الإنسان يترك إلى ما تحت القبضة إن شاء الله نقول له شيء من الدليل وهو خلاف قليل ضعيف إلا أنه نرجو أن يغفر الله له أما من يحلق وأما من يقصر بحيث لا يتبين إلا الخيط الأبيض من الخيط الأسود فهذا ليس بصحيح نعم. Donc la question, on a entendu un cheikh dire qu'il n'y a pas de divergence sur le fait de laisser la barbe. La divergence, est-ce qu'on peut la tailler ou non? Qu'est-ce que vous dites-vous? Il dit, moi je dis rien, je dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs textes où il a dit laisser la barbe et tailler la moustache waffiru liha afu liha, arjul liha, voilà. Afu liha. Tout ça c'est dans le sens de laisser plusieurs terminologies en arabe qui sont dans le sens de laisser et de ne pas toucher la barbe. Ce qui a été rapporté d'Abu Huraira ibn Omar qu'au Hajj, quand il faisait le pèlerinage, il taillait ce qui dépasse du poignet. Quand il prenait sa barbe dans sa poignée, il coupait ce qu'il dépassait. Et il y a des centaines et des milliers de sahaba qui n'ont pas fait cela, qui ont laissé tout simplement leur barbe. Donc le fait de tailler la barbe au point qu'on en voit le trait blanc du trait noir, c'est une erreur, ou de raser complètement la barbe. Cheikh Al-Fadil, يقول السائل حاولت الدخول في جامعة في السعودية منذ أربع سنوات ولم أصل إلى القبول. أين تنصحنا التعلم وعند من؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا أريد أن أقول لك إن شاء الله ليس السعودية هي التي تعلم، لا شك فيه، لكن نقول أن تعلم الدين الصحيح بفضل الله تعالى، الدين الخالص تجده هناك في السعودية، وفي بلاد أخرى تجد مختلطا بأشياء كثيرة. هذا أمر إن شاء الله لا ينبغي أن يجادل فيها. فإذا تيسر لك الوصول بأي طريقة إلى السعودية فتجد غير الجامعات تجد دروس جانبية، الحمد لله، في المسجد الحرام بفضل الله تعالى، وأنا الحمد لله أدرس في الحديث والتفسير والفتوى الحمد لله. كذلك يعني هناك تجد الشيخ فلان للعقيدة، شيخ يحيى عثمان وغيره. فإن شاء الله حاول أن تصل بأي طريقة نظامية إن شاء الله. إذا لم تصل فتجد هنا من الإخوان الذين يعلمونك إن شاء الله، استمسكوا بذيولهم إن شاء الله، هم يعلمون وعندهم برامج كما ذكروا لي وفرحت به أنهم يفتحون إن شاء الله معاهد لهذا المعنى، فليس بلازم أن تذهب إلى هناك. أما أن تذهب إلى مصر أو تذهب إلى سوريا أيضا ممكن الحمد لله، وهناك لا شك أنه تجد فيه من يعلمك الدين الصحيح، الدين الخالص. في أنصار السنة هناك في شارع قول عابدين مركزهم، وهم بفضل الله تعالى عندهم معاهد عالية جدا أيضا، ومعاهد لتعليم اللغة وغيرها. فإذا وصلت إلى مصر كذلك في الأردن، أما سوريا فما عارف فيها، اللهم استعان. Donc la question, il dit ça fait 4 ans que j'essaie de m'inscrire dans une université en Arabie, j'ai pas été accepté. Où est-ce que tu nous conseilles, chez qui tu nous conseilles d'apprendre? Le cheikh a dit que c'est vrai que en Arabie il y a, alhamdulillah, une facilité d'apprendre la religion, inch'Allah, véridique, du fait qu'il y a pas mal de ulama de tous les pays qui s'y trouvent. Si tu peux y arriver dans l'université, tant mieux. Sinon, avec une autre manière régulière, si tu n'es pas accepté dans une université, de s'asseoir avec le shuyukh. Il dit moi-même, j'accepte, j'enseigne dans la mosquée sacrée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la science du hadith, le tafsir, et aussi les fatawas dans la mosquée sacrée, pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée sacrée de Mecca, de le Kaaba. Il a dit, si ce n'est pas possible, il y a des frères ici qui ont fait des instituts, qui pourront vous enseigner, des gens de confiance. Et il a dit aussi que sinon, il y a en Égypte, en Égypte ou en Syrie, en Égypte comme le Ma'ahad, l'institut de Ansar al-Sunna, qui ont aussi des enseignements intéressants. Voilà ce que Cheikh a dit. أنا يتيم ولا أدري حتى الآن لو كان هل لي أب أو أم أو أخ، هل علي أن أبعث عن أصلي أم لا؟ ما نصيحتكم يا شيخ؟ والله إذا عرفت أن لك أبا قتل، أن لك أبا مات أو كذا، لا شك أنك تعرف، إذا كنت تقدر أن تعرف لماذا حتى تصل رحمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أو تعلموا من أنصار، لا ليس هذا حديث المرفوع، إنما هو قول أبي بكر رضي الله عنه قال تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم. قد يكون هناك لك عما أخا لأبيك وكذا، لكن قد يكون الإنسان يعيش في بلد ولا ربي عند أحد لم يعرف أباه ولم يعرف أباه، ليس بلازم أن ينبش، ولا عليه ذنب في هذا ألا يعرف، بل عمله له يبحث عن الطريق الحق إن شاء الله، وهو الواجب عليه ويعمل به. نعم. ما ترجمته؟ صحيح، عفوا. بداية السؤال قلنا بداية السؤال. بداية السؤال أنا يتيم لا عارف أين أبي وكذا وكذا. ذكرت. وبداية الجواب أنه لا يجب عليه أن يعرف إلا إذا كان إمكانية أن يعرف فيعرف حتى يصل به الرحم، وإن لم يعرف فلا عليه. كنت مركزا في الأسئلة. Donc la question, je suis un orphelin et j'ai fait tous les moyens de chercher mon père, ma mère, mes origines. Est-ce que j'ai un frère? Je ne sais pas. Est-ce que c'est obligatoire pour moi de chercher? Le Cheikh a dit, il y a une parole d'Abou Bakr Siddiq radi Allah anhu qui dit apprenez les filiations pour que vous puissiez lier les liens de parenté. Donc si tu es capable de connaître tes liens de ta filiation pour pouvoir lier tes liens de parenté, fais-le. Mais si tu n'es pas capable, alors il n'est pas obligatoire pour toi de faire cela. هل يجوز زكاة المال إلى ابنة لا تشتغل وهي لا تعيش مع أهلها تبعت العمال ولا كذا؟ يعني هل يجوز لإنسان أن يصرف زكاة ماله إلى ابنته؟ أولا ينبغي أن نعرف أن الابنة صغيرة كانت أم كبيرة ما لم تتزوج فنفقته على أبيها واجبة، وكما أن الزوجة نفقتها على الزوج واجب، كذلك نفقة ابن الصغير وكذلك الابنة وإن كبرت لكنها لم تذهب عند أحد ينفق عليه فيجب على الأب أن ينفق عليها. وقاعدة عامة، كل من وجبت نفقته عليك لا يجوز لك أن تصرف زكاة ماله إلا أن تصرف من أصل مالك، فلا يجوز أن تصرف زكاة مالك إلى الإبنة. نعم، إذا كانت الإبنة تزوجت وهي عند رجل فقير جاز لك أن تعطي، بل هو الأولى زكاة مالك زوج ابنتك حتى ينفق على نفسه وأولاده وعلى ابنتك أيضا. لكن وكذلك بعد ما تزوجت يجوز لك أن تعطي البنت شيئا من الزكاة. نعم، أما إذا كانت تحت رعايتك وليس في عصمة أحد آخر فلا يجوز لك إلا أن تصرف من المال الأصل الذي تأكل منه توكلها تطعمها تلبسها. La question d'avant en français, à quel moment faut-il se lever au moment où on fait l'iqam? لما يتقدم الإمام الصلاة متى نقوم؟ عفوا. سمعتها ولكن نسيت ترجمتها. Donc la question c'était est-ce qu'on peut donner sa zakat à sa fille. Il a dit en islam la fille tant qu'elle est pas mariée la dépense c'est obligatoire pour le père. Mais dès qu'elle se marie ce n'est plus obligatoire. Il a dit donc tant que cette fille est sous ta responsabilité financière tu n'as pas le droit de lui donner ta zakat mais tu lui donnes de ton argent en général. متى يقوم الإنسان عند الإقامة إذا تقدم الإمام متى يقوم؟ هو في الحقيقة يعني جاء في بعض الأحاديث من بعض الصحابة ما كنا نقوم إذا أقيمت الصلاة إلا إذا قال المقيم قد قامت الصلاة. هكذا يعني هذا تصوير لما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الواجب عليه، يعني ليس بمحرم أن يقوم من أول الأمر حتى يصلح الصف، لكن يجب عليه أن لا يكون جالسا، يجب عليه أن يقوم إذا سمع قد قامت الصلاة إن شاء الله، وإذا قام من قبل ثم أصلح أو يصلح الصف ليس فيه حرج إن شاء الله. Donc pour Laurent, il a pour se lever, il a dit quand à l'époque des Sahaba, quand ils ont fait قد قامت الصلاة, c'est-à-dire c'est le dernier moment où il faut se lever. Mais il n'y a pas de mal à se lever avant, commencer à faire le rang. Mais au moins au dernier moment, c'est-à-dire quand il qu'Allah salat est dit, au moins, au maximum, il faut se lever à ce moment-là. Mais on peut se lever avant. Ma'anna نحن في بلد لا نؤذن يعني صلاة الأذان في آخر الليل هل نقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ هو في الحقيقة يعني جاء الخلاف أين يكون الصلاة خير من النوم؟ فقال بعضهم يكون في الأذانين، وقال بعضهم في الأذان الأخير لصلاة الفجر، وأكثر الروايات فيما أذكر يعني بصفة طالب علم الحديث أنه جاء في الأذان الأول. الأذان الأول هو الذي يكون للتهجد. فعلى كل حال إن لم يكن على خلاف من العلماء، إن لم يقل في الأول فينبغي ألا يفوت في الآخر، وأذان الأول وإن لم يكن يؤذن لكنه ينبغي أن يعرف الناس نعمة الله تعالى بالساعات وغيرها، فينبغي أن يحضروا أيضا لهذا الصلاة أو يصلوا. نعم. Donc, est-ce que le fait qu'on soit en France, on ne fait pas l'adhan dans le dernier adhan de la nuit, est-ce qu'on dit as-salatu khairu min an-nawm? Il y a divergence. Il y en a qui disent on le dit dans les deux adhans. Il y en a qui disent on le dit dans le premier, dans la nuit, on ne dit pas dans celui de Fajr. Il y en a qui disent on le dit dans celui de Fajr, pas dans celui de la nuit. Il dit dans ce que je me rappelle de la plupart des versions, que ça se dit dans celui de la nuit et non pas celui de Fajr. Il y a divergence sur ce sujet. يسأل الأخ ما هي الشروط حتى يكون المكان مسجدا، أي هل لابد أن يكون وقفا، أو إذا كان مستأجرا من قبل الدولة أو مستأجرا من قبل شخص معين هل هذا يكون مسجدا؟ هذه وإذا كان عفوا وإذا كان هذا المكان ليس بمسجد بل هو مصلى هل لابد لنا أن نصلي فيه تحية المسجد؟ هو في الحقيقة الآن هذه من المسائل المعاصرة، ما كان يتصور في العهود السابقة مسجد إلا أنه موقوف، وشرط المسجد أنه هو وقف لله تبارك وتعالى. من بنى لله مسجدا لا يجوز له أن يرجع في هذا الشيء يقول هذا أنا بنيته هذه الأرض أخذه، أوقف لله تعالى. ثم في هذه الأيام جاءت مسائل تستأجر أمكنة لسنة سنتين عشر سنوات لاتخاذ المسجد، فهل لها له حكم المسجد؟ نعم له حكم المسجد ولو استوجر ليوم أو يومين إن شاء الله، ويجب على المسلمين أن يحترموه كاحترام المسجد، لأنكم اتخذتم واستأجرتم لتصلوا فيه صلاة تقيمون فيه خمس صلوات والجمعة وغيرها، هذا هو تعريف المسجد بارك الله فيكم. أما إذا كان ليس إلا العيد فقط فهذا يسمى مصلى، وكذلك في المكان الذي صلي بعض الأوقات لا يسمى مسجدا، صلي في بعض الأوقات لا يسمى مسجدا، مثل ما يصلي الناس في مكاتب وفي بيوت أوقات معينة، لكن الذي خصص للصلاة فقط استئجارا أو ملكا فله حكم المسجد، لا تدخل فيه الجنوب ولا يدخل فيه الجنوب، وكذلك الأمور الأخرى التي يجب أن يطهر به المسجد. نعم. Donc dernière question parce qu'on a déjà dépassé d'un quart d'heure. La question c'était si un endroit n'est pas la propriété des musulmans et c'est une location pour faire la prière ou c'est prêté par la mairie, est-ce que ça a le statut d'une mosquée? Il a dit dans les temps anciens c'était pas connu ce genre de question, c'est quelque chose de nouveau. Dans les temps anciens, si quelqu'un voulait faire une mosquée, il le donnait waqfan. C'est-à-dire ça sortait de sa propriété. Et cet endroit, c'était un waqf. C'est-à-dire c'était pour la propriété, le waqf, le nidam du waqf, c'est-à-dire c'est pour Allah, tabarak wa ta'ala. Ça appartient, c'est pour tous les musulmans. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Il a dit, en vérité, si un endroit qui soit loué ou acheté, s'il a été spécifié, spécialement pour faire les prières, le Jumu'ah, tout ce qu'on fait dans une mosquée, donc Inch'Allah il prendra le statut d'une mosquée, peu importe la durée pour laquelle on le loue ou est-ce qu'on l'a acheté, mais ça ne rentre pas pour l'endroit où on fait juste Salat al-Eid, comme ce serait par exemple des gymnases ou dans une maison, etc. Ça c'est pas une mosquée. طيب جزاكم الله خير وأنا شاكر لأهل باريس كلهم في الحقيقة وداع لهم، وجدت إخوانا أحبونا وأحببناهم جزاهم الله خير، وجيت هنا على أمر الله تعالى، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، تداوى يا عباد الله انا كنت مصابا بالركبتين والحمد لله اجريت عمليه الركبتين واشكر الله تبارك وتعالى على انها قالوا انه بنجاح ان شاء الله وبفضل الله تعالى والان انا اشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمه التي انعمني نعمه الصحه ان شاء الله اشكر الاخوان الذين وجدناهم دائما في سؤال عن حالتي ومساعدتي بالسيارات وغيرها جزاهم الله خيرا لا اقدر ان اودي هذا الحق الا ان ادعو لهم ان شاء الله في دعواتي الخاصه في الحقيقه اخوان كثيرون لا اقدر اسميهم باساميهم لكن اشكرهم جميعا وادعو الله تبارك وتعالى ان يحييهم حياه طيبه ان شاء الله ويعافيهم ويعافينا في انفسنا واهلينا ومعالنا ان شاء الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Pour finir, le cheikh a dit « En vérité, j'étais venu en France pour me soigner, car Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas descendu une maladie ou un mal sans qu'il n'ait descendu son remède. Donc, alhamdulillah, j'ai fait une opération des genoux et ça va beaucoup mieux par la grâce d'Allah. Et je remercie d'abord Allah tabaraka wa ta'ala pour le bienfait de la santé. » Et je remercie tous les frères qui m'ont accompagné, que ce soit en voiture ou qui ont demandé après moi ou qui m'ont visité. Ils sont beaucoup, je ne peux pas les nommer, mais je demande qu'Allah Ta'ala les préserve et il a fait des invocations pour ses frères. Amin. Wa barakallahu fikum. Wa sallam. Alhamdulillah. Alayhi wa sallam. ما هو السؤال؟ لا قال إذا ما كانت متزوجة لا يجوز أن يعطيها إلا من ماله لا يجوز